copines. T'auras beau rester sage ou rester stable, il veut les coquines. Quand tu lui ouvres ton cœur, il détruit ce qu'il y a dans ta coquille. L'ego, il les endort, son habitude, il met sous morphine. T'as pas le premier rôle, t'es juste figurant dans ton film. Tu perds ton temps, t'es pas la première mais la dernière, non, non. Ouais, tu perds ton temps, tu perds ton temps. T'es pas la première mais la dernière, non, non. Ouais, tu perds ton temps. Oublie, pour lui t'es pas une ex, même si ça vexe, t'es juste une groupie. Il a un cœur de pierre, t'es qu'un passe-temps, t'es juste son outil. T'en es à 100%, lui dans son coin, c'est aucun souci. Il se prend pour le buzz, la capitale, mais on sait que c'est qu'un souci. Tu perds ton temps, t'es pas la première ni la dernière, non, non. Ouais, tu perds ton temps, tu perds ton temps. T'es pas la première ni la dernière, non, non. Ouais, tu perds ton temps, tu perds ton temps. T'es pas la première ni la dernière, non, non. Ouais, tu perds ton temps, tu perds ton temps. T'es pas